T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know what's new, this one, wait, wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour de Planète Indie. Ça fait du bien de revenir, ça fait du bien. Ça faisait depuis le mois de mars, effectivement, que pandémie oblige, corona oblige, confinement oblige. Tout était un petit peu à l'arrêt, et nous aussi par la même occasion. C'était un peu frustrant, on est de retour. C'est des circonstances qui sont encore un petit peu particulières, mais je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, on va retrouver une vie qui sera plus ou moins normale. Il faut le souhaiter en tout cas. Et puis il faut toujours rester bien attentif et bien prudent et se protéger et protéger les autres. Et bien entendu suivre toutes les recommandations qui sont faites. Une des recommandations qu'on peut vous faire, c'est de rester tranquillement chez vous. Vous êtes installé sur la terrasse puisque le soleil semble revenir après les pluies de ces derniers jours. Vous installez tranquillement chez vous, éventuellement vous prenez un bon petit verre, vous faites un petit cocktail ou une bonne bière bien fraîche. Et puis vous écoutez tranquillement la musique, pourquoi pas en lisant un bon bouquin, ça peut être une bonne chose. Et au niveau de la musique, on a eu le temps de potasser pas mal de choses et de vous proposer évidemment le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. C'est le concept de cette émission. C'est la 419e émission et on est très très heureux de revenir parmi vous. Et donc on va commencer cette émission avec un groupe qui s'appelle Plume. P-L-U-M avec un tréma sur le U. Et un morceau intitulé Karma Sutra. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi nous écouter la musique qu'on vous propose en faisant d'autres activités. Et puis après ce sera ACG avec un morceau qu'on a déjà entendu, il est pas mal, c'est pour ça qu'on le réécoute, et ça s'appelle Steel City Limits. En tout cas, ne changez rien, vous êtes sur la meilleure fréquence et on est ensemble jusque 18h30 pour le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Allez, c'est parti. Mine. I said I was proud of you, damn, how we come a long way from the truth. You were good to me from what I thought was the bottom of your heart, but I was nothing but a trophy prize. Don't you dare avert your eyes, and don't think for a second that I have all the right steps written on my wrist. Disgust, sweat, tears, blood, acid, and ink. But you crazy, bitch, you did all of this. As a matter of fact, before you act, take a step back. Don't react before you come at your friends, just think. Gymnast. Voilà, j'espère que le début de la programmation musicale vous plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors on va retrouver évidemment nos rubriques habituelles dans cette émission, à savoir on aura la capsule BD et puis on a d'habitude aussi, on fait un peu le tour de nos partenaires événementiels, on pourrait appeler ça comme ça, que sont la Rocale, la Culture Fabrique et l'Abbaye de Münster, mais on va gagner un petit peu de temps aujourd'hui puisque tout est encore bien fermé, et notamment à la Rocale où eh bien, ils avaient été transformés en centre de soins. Donc, à ce niveau-là, on va gagner un peu de temps. Je vais en profiter pour faire un petit peu la promotion de mon émission, puisque eh bien, cette émission, vous la retrouvez chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et puis, on a un site internet, www.ilovemusic.ga. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous y retrouverez notamment les podcasts de toutes nos émissions, en tout cas depuis que nous sommes diffusés sur RGL. Vous y retrouverez les playlists de chaque émission. Donc, si vous entendez, par exemple, un morceau qui vous plaît bien et que vous n'avez pas eu le temps de l'entendre quand je l'annonçais, ou que peut-être je l'avais mal prononcé, ou c'était mal prononcé, je ne sais pas. Donc, vous y retrouverez tous les noms, tous les titres diffusés. Et puis aussi, on a un groupe sur Facebook. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Vous y retrouverez aussi pas mal d'artistes que l'on diffuse dans cette émission. Donc, vous pourrez notamment retrouver directement pas mal de ces artistes. Et puis, ça peut être sympa pour discuter avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience récente, comment vous avez vécu cette situation, comment... ce que vous avez fait pendant le confinement, on sera très très heureux de vous lire et puis surtout de voir que vous allez bien. Et puis si vous allez un peu moins bien, que vous avez un peu moins le moral, eh bien la musique devrait pouvoir vous aider à remonter la pente. On poursuit avec le groupe Atlas, un morceau intitulé Talking Down, et puis après on ira faire un tour sur l'album de notre ami Robert Buczynski, qui est originaire de la région de Boston en Nouvelle-Angleterre. On écoutera The Stockholm Syndrome. Donc, vous voyez, on voyage pas mal dans cette émission de l'Atlas, des monts de l'Atlas, pourrait-on dire, au Maroc, vers Stockholm. Ça, c'est pour les titres. They just talking down on me. They just talking down on me. Oh oh oh oh. I just take my life slowly. I just take my life slowly. Oh oh oh oh. I be a star on the making. I just be baking my bacon. I'm gonna next to be mistaken. All of these homies be faking. Don't know what conversation. Get on me, dance while you shaking. If you want me to say something, I'll keep going straight stuffing. They said I won't get any views. They said I won't be famous. They said I won't never be the news. Now, fuck you haters. They said I won't get any views. They said I won't be famous. This I'll never be the news. Now, fuck you haters. They're just talking down on me. They're just talking down on me. Oh, oh, oh, oh. I don't feel afraid, low-key. I don't feel afraid, low-key. No, no, no, no. They're just talking down on me. Talking down on me. Whoa, whoa, whoa. I just take my life slowly. I just take my life slowly. Whoa, whoa, whoa. I be a star on the making. I just be taking my baking. I'm gonna make some big mistaken. All of this homies be faking. Don't know what conversations. Get on me, dance while you're shaking. Bitch, I came from the dirt. To the man is the worst. Living life is a curse. My escape is a verse. My relief is a sigh. All up from the west side. That looks sideways cause I'm shy. I apologize if I fly. Fuck my life. Everybody said I'm just a white guy. Well, they're right. Cause of that I used to think about suicide. Who am I? Wonder that while I look to the sky. You know I'm the next big thing. Why didn't I? You move, bitch. Get out the way. Fuck are you leaving? One more can I say? Can you move, bitch? Get out the way. That shit don't impress me. I do this every day. Can you move, bitch? Get out the way. Fuck are you leaving? One more can I say? Can you move, bitch? Get out the way. That shit don't impress me. I do this every day. Can you move? They just talking down on me. They just talking down on me. I don't feel afraid, low key. I don't feel afraid, low key. No, no, no, no. They just talking down on me. They just talking down on me. Whoa, whoa, whoa, whoa. I just take my life slowly. I just take my life slowly. Whoa, whoa, whoa, whoa. They just talking down on me. They just talking down on me. Whoa, whoa, whoa, whoa. I don't feel afraid, low. No, no, no. They just talking down on me. They just talking down on me. Whoa, whoa, whoa, whoa. I just take my life slowly. I just take my life slowly. Whoa, whoa, whoa, whoa. My name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Pabernick, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Solveig. And this is Stevie. From the Pacific Northwest, and you're listening to Planet Indie. Say goodbye. No matter how far you go, you'll never. Si vous êtes fidèle à Planet Indie, vous l'avez reconnu, si c'est pas en tout cas sa voix. C'est au son, c'était Robert Buchinski, extrait de son tout dernier album qui s'intitule The Breakdown Lane, un album qui était powerplay au cours d'une émission précédente. Je ne saurais pratiquement plus vous dire si c'était la dernière en date ou pas, tellement ça remonte loin tout ça. The Breakdown Lane donc, et on écoutait donc le syndrome de Stockholm, The Stockholm Syndrome. Et puis en parlant de powerplay, et comme je vous annonçais tout à l'heure aussi nos rubriques habituelles, j'avais oublié de mentionner celle-ci évidemment, c'est peut-être parce qu'on en a tellement l'habitude, elle date depuis beaucoup plus longtemps, c'est notre album Powerplay. Un album qui nous emmène aujourd'hui du côté de l'Amérique et si je ne m'abuse de Floride avec le groupe Backtrack Blues Band. Comme son nom eh bien, l'indique, c'est un groupe de blues. C'est en plus l'un des groupes de blues les plus accomplis et surtout qui a une durée de vie la plus longue, en tout cas aux États-Unis, puisqu'ils existent depuis 1980. Donc ça fait ils vont fêter leurs 40 ans cette année. C'est un groupe qui a participé à des concerts et des festivals un peu partout dans le monde. C'est un groupe de blues énergique qui comporte 6 membres, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et on y retrouve notamment de la harpe, de la guitare, des claviers, un chanteur évidemment, et puis une section rythmique qui est sans repos et si vous avez la chance d'assister à un de leurs concerts, eh bien, qui vous fera bouger et danser tout au long de leur concert. Eh bien, que dire de plus pour l'instant? Eh bien, que ce groupe a gagné un Grammy Award, bah oui, déjà rien que ça, un Grammy Award, 2 Blues Music Awards et puis un autre award qui s'appelle Keeping the Blues Alive. Je vous l'ai dit, le groupe a été créé en 1980 et puis leur CV, eh bien, il contient notamment des partages de scènes ou des concerts en première partie ou sur la même scène en tout cas que des gens tels que Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, George Thorogood, Junior Wells, John Lee Hooker, Jeff Healy, Robert Cray, James Cotton, Little Milton, Johnny Winter, Greg Altman, Albert Collins, Dave Mason. Enfin, il y en a plein. Ils ont un CV donc, qui est long comme le bras et même long comme les deux bras, carrément. Je vous propose d'écouter un premier album. On vous disait que c'était un groupe qui s'adaptait très bien à la scène. C'est un album, c'est même un double album que je vous propose de découvrir aujourd'hui. L'album s'intitule Make My Home in Florida et donc c'est un album enregistré en concert et c'est un double album puisque le premier album, eh bien, c'est un album audio classique, on va dire, enregistré en concert, et le deuxième c'est la version vidéo, donc vous avez l'image et le son en plus pour le même prix. Le premier extrait que je vous propose d'écouter s'intitule Nobody But You et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, baby. Make my life complete. Stop rolling till you're in my heart. You know I want to be here. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, baby. Sugar cane, you're showing sweet. put the lid on the pot, put the salt in the bread, I make my life with living, I'll be eating every word I say it. Nobody but you, babe, nobody but you, babe, nobody but you, babe, yeah, send my fairy soul. Be loved. C'est un peu la, la séquence power play là, ce petit passage, puisque juste avant ce morceau, c'est, celle-ci, c'est Stephanie Hetfield avec le morceau donc Away Gently. On écoutait notre power play du jour, les Backtrack Blues Band et leur album Make My Home in Florida. Et puis avant ça, c'était un des précédents power play, Robert Buczynski avec The Stockholm Syndrome. Et j'en viens à ce que je voulais vous dire à propos de Stephanie Hetfield. Je vous garantis que ce sera aussi un de nos futurs power play, peut-être le prochain, je ne sais pas. J'ai déjà une belle liste aussi de candidats, mais elle, elle est venue s'ajouter sans problème dessus dès que j'ai écouté son album, parce qu'il est vraiment très très bon. D'ailleurs, je vais vous donner aussi le nom de l'album, il s'intitule Out This Fell. Et nous, on écoutait la plage d'ouverture, Away Gently. Avant de poursuivre en musique, je vous fais part aussi d'un appel à candidature qui est lancé par le Centre de musique amplifiée, à savoir La Rocale, qui se cherche une identité sonore. Qu'est-ce qu'une identité sonore ? Eh bien, c'est une mélodie ou une ambiance sonore courte qui permet de reconnaître instantanément une marque ou une organisation. C'est ainsi que la Rocale et le Rocklab cherchent un thème musical qui peut se décliner aussi bien sous forme d'un jingle qu'être développé dans la durée en fonction de son champ d'application, que ce soit par exemple un logo sonore, des habillages sonores pour vidéos, pour leur répondeur téléphonique, entre autres. Ce sont des idées d'application de cette identité sonore. Alors, pour ce faire, qui peut leur proposer quelque chose ? Eh bien, vous qui êtes artiste, musicien, groupe, compositeur, producteur, n'hésitez pas. Cependant, vous devez être de nationalité luxembourgeoise ou résider au Grand-Duché de Luxembourg. Le format respecté, eh bien, il doit s'agir évidemment d'une création originale et inédite. Et la proposition doit se faire sous au moins deux formats. Le premier, c'est un thème musical court de 5 secondes maximum, et le second, c'est un exemple de développement du thème musical de 30 secondes maximum. Le fichier audio à soumettre doit être au format WAV ou AIF, et cela doit se faire au plus tard le 22 juillet à minuit. Il y aura une sélection qui sera opérée par le Centre de musique amplifiée. Et parmi les candidats, eh bien, un lauréat sera choisi à qui sera alloué un montant de 3000 euros hors TVA, c'est déjà pas mal hein, ça, pour la création sonore, et qui pourra bénéficier d'une résidence de création au Rocklab afin d'élaborer, enregistrer, mixer, produire et finaliser les thèmes et pièces soumis sous forme de maquettes. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la Rocale, www.rocale.lu, pour de plus amples informations et pour les détails complets concernant eh bien, les formes à respecter pour votre candidature, si vous êtes intéressé. En ce qui nous concerne, eh bien, nous, on poursuit en musique avec un duo, il va falloir bientôt que je mette des lunettes, composé de Manson, Jill Kilson et Tony Allen, et ça s'appelle The Christian Thing. Et après cela, eh bien, on écoutera Spike Flynn. Non, pardon, un autre futur power play, ça je vous le garantis aussi. C'est extrait aussi d'un autre double album. Il s'appelle Jaron Ray, Driven Sky. Et on écoutera The Fading Away. Voilà, comme ça, je suis tout à fait complet. I have been to Bethlehem. And up on Calvary, but I don't believe a son of God was born and died for me. Still I have read your Bible, Old Testament and New. Between the lines I have divined the Christian thing to do. Well, I seek no prize in heaven, nor fear the fires of hell. I will not join the holy war against your infidel, but I will fight for freedom, for happiness and truth. I will soldier on for peace, the Christian thing to do. starving outside the golden door. I will open wide the gate and let him pass right through, and love him as I would myself. It's the Christian thing to do. Salvation. I need no second birth. I still believe in paradise here upon the earth. With conscience as my compass, my heart will know the route, and I'll strive to walk in righteousness. On the wall, an abandoned castle grumbly about to fall. A stark reminder of more glorious days. Memories locked and bound in the fading away. Oh, beauty can be found in the fading away. Oh, a fading portrait hanging crooked on the wall. An abandoned castle crumbling about to fall. A stark reminder of more glorious days. Memories locked and bound in the fading away. Oh, beauty can be found in the fading away. C'est un morceau superbe. En tout cas, moi, je trouve. L'artiste, c'est la première fois qu'on l'écoute dans cette émission. Il s'appelle Jaron Ray Dravensky. Son album, c'est aussi un double album. I Can't Take the Darkness Anymore. Je ne supporte plus l'obscurité. Et nous, on écoutait un des tout derniers morceaux du deuxième et dernier CD, The Fading Away. Avant de retourner sur notre album Powerplay, je vous rappelle qu'il s'agit du groupe de blues Backtrack Blues Band, dont je vous ai mis une vidéo dans notre groupe Facebook. On va encore écouter Spike Flynn avec Incident in the Stony Desert. Hollow bones, desert wind, time wanders by, leaves all alone. Any mirror here will turn to stone. In the darkness before the dawn, no changes now, all is redressed. All is forgiven, all is blessed. Just a whispered word, a sweet caress. In the darkness before the dawn, no need for pining now. Love is all. No need for crying. In the darkness before the dawn, she holds my heart so tenderly. Sings of love, songs of being free. Sailing ships on stormy seas. ¶¶ in the darkness before the dawn. She takes her violin, lets it be. She says the night is black, yet the stars blaze so free. Having stumbled so long blind, at last I see. Here in the darkness, before the dawn, no need for pining now. Love is all. No need for crying. In the darkness before the dawn. Removed at last. No difference now. She takes my hand. Guides me here in the borderland. In the darkness before the dawn. She speaks of light, a journey to the east. A fate, desire, a dividing beast. Time returned, trials not yet ceased. In the darkness before the dawn. Here in the darkness before the dawn. Je vous l'avais dit, hein, aujourd'hui c'est la crème de la crème. J'ai fait une super sélection musicale pour vous. Et encore ce morceau magnifique de Spike Flynn, Incident in the Stony Desert. Donc on pourrait dire ça, traduire ça par un accident ou un incident dans le désert rocailleux. Spike Flynn, c'est son nom, c'est un morceau très très long, plus de 7 minutes, mais on l'a écouté en entier tellement c'était bon, et puis tellement bien, on a notre esprit indépendant, c'est le concept de cette émission qui ne se limite pas au formatage, peut-être 3 minutes, 3 minutes 30, des morceaux commerciaux qu'on entend habituellement. 17h54, il est grand temps de retourner sur notre album Powerplay. Bah oui, on a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pas trop grave. Donc c'est l'album Make My Home in Florida du groupe Backtrack Blues Band. Je vous dis que c'est tout à l'heure, et bien que c'était un groupe qui était fort et dont la puissance et l'énergie se transmettaient sur scène essentiellement. Ils ont quand même sorti 7 albums de compositions originales de blues et qui ont tous atteint le top 10 dans les charts spécialisés, notamment les Living Blues and Roots Music Radio Charts. Leur album en 2018 a même été nominé par le magazine Downbeat comme l'un des meilleurs albums de blues de l'année. Le groupe Backtrack Blues Band a gagné aussi le respect de ses pairs musicaux, on va dire, gagnant 3 prestigieux Tampa Bay Music Awards pour la catégorie Best meilleur groupe de blues. Ils ont aussi fait et joué dans de nombreux festival de blues d'importance tout autour du globe, notamment le Notodden International Blues Festival, le Tampa Bay Blues Festival, Utah Blues Festival, Riverfront Blues Festival, Springing the Blues, je vais pas les citer tous hein, parce qu'il y en a beaucoup, Tremblant International Blues Festival au Canada, le Trois-Rivières en Blues, Eldora Blues Festival Val d'Or, et bien d'autres, comme je vous disais, c'est trop long que pour qu'on les cite entièrement. Je vous propose donc de retourner sur leur album Make My Home in Florida avec un deuxième extrait, et cette fois-ci on va écouter la plage d'ouverture, un peu plus musclée que le morceau de tout à l'heure, et cette fois-ci donc on écoute Checking On My Baby par le groupe Backtrack Blues Band. Power Play. Power Play. What she putting down, I checking on my baby. You found out what she's putting down. So many nights and days I have been out of town. You know I wouldn't call home, I would not even write. Thank you. would not even write. Yeah, I wouldn't call home. I would not even write. Then I caught me a plane. I flew to town that same night. I checked on my baby. He found out what she put down. Checking on my baby. He found out what she put down. So many nights and days I had been out of town. I was gone way too long now. If I was a fireman, couldn't put out this flame. If I was a doctor, I'd give up on this case. 'Cause every day I operate on this same old fool. Every day I can't remove this one last memory of you. If I was a drinking man, the whiskey couldn't drown the pain, and a shot would only feel like rain on an ocean wave. If I had another beer or two, well, I'd still be blue. If I was a drinking man, well, the drink would be you. If I was a plumber, I couldn't shut off this drain, 'cause it flows through me every single day. If I was a cowboy, it'd be like hoping the wind. Well, you know that you can't catch it, but you try and you try again. If I was a drinking man, whiskey couldn't drown the pain, and a shot would only feel like rain on an ocean wave. If I had another beer or two, well, I'd still be blue. If I was a drinking man, well, the drink would be you. If I was a drinking man, the whiskey couldn't drown the pain, and a shot would only feel like rain on an ocean wave. If I had another beer or two, well, I'd still be blue. If I was a drinking man, well, the drink would be you. If I was a drinking man, darling, you know that I am. Drink would be you. Drinking Man, l'homme qui boit, c'était Dave Rosewood. Et puis Je vous avoue, j'appelle ça des trucs magiques qui se passent parfois quand je prépare les émissions. Je ne m'en rends pas compte, mais ça me vient comme ça au moment du direct. On vient d'écouter donc Dave Rosewood avec Drinking Man, donc l'homme qui boit. Et le morceau suivant s'intitule This Man is Dangerous, donc cet homme est dangereux, sous-entendu peut-être l'homme qui boit. Donc c'est un morceau interprété par Jennifer Maidman, et c'est extrait de son album Dreamland. C'est aussi un long morceau. On va profiter probablement de la fin pour entamer la séquence suivante. Ce sera notre capsule BD. Mais pour l'heure, eh bien, on va écouter tout de suite Jennifer Maidman. This man is dangerous. Cet homme est dangereux. About a lonely boy waiting in the shadows of a life. He walks alone through the safety of the crowd, sharpening the anger like a knife. He never cried the day they closed the door. Somewhere inside there must be more. Still mystified, is there a way to remember? This man is dangerous, you can see it in his eyes. Touch his tender heart, feel his temper start to rise. Caught in the shadow of a man you'll never be. From a face without a name, looking for someone to take the blame. Inside the house, a world within a world. The eyes that never saw the light of day. Sacrificed it all, father's son, and watch the moonlight slowly fade away. He never heard the voice behind the door, a single word of the world that came before. The image blurred, is there a touch his tender heart, feel his temper start to rise. Chasing the shadow of a man he'll never be. Running from a face without a name. Looking for someone to take the blame. Pain and walks the city streets, waiting for his moment to arrive. Behind a wall, the devil sits alone, praying that the lovers will survive. She never cried as love was torn apart, swept aside by an unforgiving heart. The beauty died, is there a way to remember? Voilà, comme annoncé, on va devoir raccourcir un petit peu. C'est pas une question de format, c'est une question de durée d'émission. On n'a qu'une heure et demie, malheureusement. Donc, on va passer à notre... on va laisser ça en fond musical, hein, Jennifer Maidman, pour ne pas la frustrer complètement. Et on va passer à notre séquence BD. En ces circonstances un peu particulières, j'ai choisi de vous proposer quelque chose qui va vous faire rire, vous faire sourire, un peu d'humour. C'est un album qui s'appelle « Cher dictateur », c'est le volume 1, sous-titré « Zaboulistan My Love ». Voici le résumé. Bogdan, toujours tiré à quatre épingles, est le bras droit d'Yevgeny Ier, dictateur bourru, à la main de fer dans un gant de plomb clouté, du Zaboulistan, petit pays d'Europe orientale qui passe son temps à regarder les épisodes de Derrick, à s'enfiler du grotch, grotch est un alcool d'ail à 80 degrés, et à s'entourer de jeunes femmes. Sa suggestion d'introduire un zeste de soft power dans son management lui ayant presque valu le peloton d'exécution, Bogdan c'est donc l'assistant, Bogdan ne doit son salut qu'au vacarme extérieur, soi-disant causé par les Zaboulistanais, tout à leur joie de célébrer bien avant l'heure l'anniversaire de leur cher dictateur. En réalité, la révolution est en marche, le peuple et l'armée défoncent les grilles du palais, mais Yevgeny continue à ne voir que ce qu'il veut voir, aveuglé par le prisme déformant de ses propres œillères. Bogdan, désireux de sauver leur peau en s'exfiltrant de toute urgence du pays, convainc le patron de prendre quelques jours de vacances en France. Ça, c'est la version officielle. S'envolant dans l'hélicoptère présidentiel, ils aboutissent non loin de Paris, dans un camp de gitans. Les deux compères ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Invités à un mariage tzigane le soir même, les habitudes d'Yevgeny sont coriaces. Il aime toujours autant la picole. Ses manières avec les femmes ne se sont pas améliorées et surtout il se croit toujours le maître absolu du Zaboulistan. De quoi donner de nouvelles sueurs froides à Bogdan qui va devoir user de toute sa diplomatie pour préserver la susceptibilité de leurs hôtes peu enclins à plaisanter sur ces sujets. En début du titre, Yevgeny n'est pas le héros de l'histoire, c'est le couple qu'il forme avec Bogdan qui fait tourner la mécanique. L'un ne pourrait pas fonctionner sans l'autre. C'est sur la base de leur opposition que naissent et se développent les gags et l'humour. C'est d'ailleurs surtout à Bogdan, dont la position est loin d'être enviable, Evgeny lui confesse qu'il a plusieurs fois songé à le faire fusiller, que le lecteur s'identifie et pour qui il a de l'empathie. On rit de l'embarras perpétuel dans lequel son dictateur de chef n'a de cesse de le mettre. Certaines thématiques auraient pu être approfondies, on aurait aimé visiter le Zaboulistan, découvrir son peuple, ses coutumes et les gaffes de son leader Maximo. Ce filon de situation cocasse aurait été à lui seul inépuisable. De même, le catalogue de nos stéréotypes des gitans est passé en revue, mais quelque peu rapidement. Le dessin est basique, presque naïf, caricatural, mais il sert à la perfection le ton et l'ambiance généraux. Ma conclusion est celle-ci, le plaisir retiré de cette lecture reposera pour une grande part sur la réceptivité de chacun à cet humour un peu facile. C'est une ode à la stupidité humaine, et on ne peut s'empêcher de sourire ou de rire en se demandant comment il est possible d'être à ce point idiot. Yevgeny Ier, évidemment, qui tient son rang. Bogdan, pour avoir été se mettre dans une telle position, mais encore tous ceux que ces derniers offensent, et à qui le conseiller fait prendre si aisément des vessies pour des lanternes. Même les auteurs, aux yeux de ceux qui n'accrocheront pas à ce style. Lisez ce livre, non seulement vous rirez, mais vous en ressortirez rassuré quant à votre propre niveau sur l'échelle de la bêtise. Voilà, je vous rappelle le titre de cette bande dessinée. Elle s'appelle « Cher dictateur », c'est le volume 1, donc il y en aura probablement d'autres. « Zaboulistan, my love », c'est de Kalou Kalou et Toulmé. Et c'est sorti au mois d'août 2019 chez Fluide Glacial. Je vais vous mettre la conclusion et la couverture de cet album sur notre page Facebook aussi. Et pour l'heure, on poursuit en musique avec Michael Tyree All The Time. Et puis après, un des derniers singles de Papa Zatch, Driving Time. Every time I look around, I'm not sure I've seen it up or down. And that olive's grown deeper. Mine's playing sweeter, sweeter sound. Maybe I will make it home. Maybe I'll find myself up in a ball. Just check back with me later. Sing along. to talk about it. Whoa, driving time. Didn't wanna fight about it. Why'd we have to fight about it? Whoa, driving time. Driving time, l'heure de conduire, bah, il est presque l'heure de repartir. C'était Papa Zatch, il est 18h20 sur RGL, vous écoutez Planet Indie, nous sommes ensemble encore pour 10 minutes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, il va être temps de retourner sur notre album Powerplay, on va se laisser Papa Zatch en fond là comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que Backtrack Blues Band est composé de 6 membres. Il y a tout d'abord Sonny Charles qui est le chanteur et qui écrit la plupart des chansons et des textes du groupe. Et puis il joue aussi de l'harmonica. À côté de ça, il y a Kid Ryall qui est l'un des plus grands guitaristes de blues du Canada. On a le bassiste Stick Davis qui a aussi gagné un Grammy Award, qui joue donc de la basse et qui a joué avec des gens comme B.B. King, Al Green, John Mayall et bien d'autres. Un autre cofondateur, c'est Little Johnny Walter qui joue de la guitare rythmique et qui est un des plus talentueux percussionnistes de Tampa. Ça c'est Joe Bencomo, pardon, hein, Little Johnny Walter, c'est plutôt donc de la guitare rythmique. Et enfin on a Wayne Sharp qui est le claviériste de ce groupe Backtrack Blues Band. Vous retrouvez toutes les infos sur leur site internet www.backtrackbluesband.com. Je vous rappelle que je vous ai mis une vidéo sur le site internet. On va écouter donc un troisième sur la page Facebook du groupe de Planet Indie. Donc vous tapez Planet Indie dans Facebook, vous rejoignez le groupe et puis vous avez accès à toutes nos ressources. On écoute donc ce morceau intitulé Shoot My Rooster. Power play. Shoot my rooster, he cried. Voilà, il va tout doucement être l'heure de se dire au revoir. On va encore écouter un dernier morceau. Ce sera Boris Eve et le morceau Madness. J'étais très très heureux, mais vraiment très heureux de pouvoir reprendre le cours normal de cette émission. Elle sera rediffusée comme chaque fois et bien demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Vous retrouverez aussi le podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga, celui-là vous connaissez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Je vous rappelle que notre prochaine émission en direct, ce sera le 4 juillet. Bah oui, la fête nationale américaine. C'est comme ce sera chaque premier samedi du mois, vous le savez. Et puis je vous parle encore en vitesse d'un appel à candidature organisé par le Rock Lab et le Street Heat pour des artistes de musique urbaine, donc hip-hop, rhythm and soul, rhythm and blues ou soul de France, Belgique ou Luxembourg ou Suisse. Il y a un appel à candidature, je vous en parle en vitesse parce que ça se termine le 30 juin. Donc allez voir sur le site de la Rockale et du Rock Lab et vous aurez toutes les informations. Voilà, je me tais, on écoute ce dernier morceau. Je vous dis à demain pour la rediffusion ou un autre jour pour le podcast sur notre site internet. Et puis rendez-vous le 4 juillet pour la prochaine émission en direct. Bonne soirée, bon week-end et à très très bientôt.